Le sol n'est plus sous mon toit. Elle est partie, je ne sais où. Elle a emmené mon petit roi. Cet enfant né d'un amour fou. Mon ciel est plein de nuages gris. Je sens mon cœur qui se déchire. La nuit je marche sous la pluie. Dans l'alcool, je noie mon délire. Je peux pas croire qu'elle soit toute comme ça. Qu'elle ne pense qu'à claquer la porte. La vie c'est pas du cinéma. Une amourette que vent m'emporte. Je peux pas croire qu'elle soit tout ainsi. C'est trop facile de s'en aller et crier que tout est fini. Si on n'a pas tout essayé. Quelques mots que j'ai mal dit, pour un baiser qu'elle attendait, pour un regard pas bien compris. Elle est partie sans un regret. Je reconnais que j'ai eu tort. Je mettrai un voile sur ma raison. Mais notre enfance est tout mon nom. Je veux qu'elle revienne à la maison. Je peux pas croire qu'elle soit toute comme ça. Qu'elle ne pense qu'à claquer la porte. La vie c'est pas du cinéma. Une amourette que vent m'emporte.